Section 60 de La Lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 7e, section 60, Souvenirs d'enfance et de jeunesse, Le broyeur de lin par Ernest Renan de l'Académie française, chapitre 3. Te souviens-tu de la petite commune de Trézardec, dont on voyait le clocher de la tourelle de notre maison? À moins d'un quart de lieue du village, composé alors presque uniquement de l'église, de la mairie et du presbytère, s'élevait le manoir de Kermel. C'était un manoir comme tant d'autres, une ferme soignée d'apparence ancienne, entourée d'un long et haut mur de belles teintes grises. On entrait dans la cour par une grande porte cintrée, surmontée d'un abri d'ardoise, à côté de laquelle se trouvait une porte plus petite pour l'usage de tous les jours. Au fond de la cour était la maison, au toit aigu, aux pignons tapissés de lierre. Un colombier, une tourelle, deux ou trois fenêtres bien bâties, presque comme des fenêtres d'église, indiquaient une demeure noble, un de ces vieux castels qui étaient habités avant la Révolution, par une classe de personnes dont il est maintenant impossible de se figurer le caractère et les mœurs. Ces nobles de campagne étaient des paysans, comme les autres, mais chefs des autres. Anciennement, il n'y en avait qu'un dans chaque paroisse, ils étaient les têtes de colonne de la population. Personne ne leur contestait ce droit et on leur rendait de grands honneurs. Mais déjà vers le temps de la Révolution, ils étaient devenus rares. Les paysans les tenaient pour les chefs laïcs de la paroisse, comme le curé était le chef ecclésiastique. Celui de Trézardec dont je te parle était un beau vieillard, grand et vigoureux comme un jeune homme, à la figure franche et loyale. Il portait les cheveux longs, relevés par un peigne, et ne les laissait tomber que le dimanche, quand il allait communier. Je le vois encore. Il venait souvent chez nous, à Tréguier, sérieux, grave, un peu triste, car il était presque seul de son espèce. Cette petite noblesse de race avait disparu en grande partie. Les autres étaient venus se fixer à la ville depuis longtemps. Toute la contrée l'adorait. Il avait un banc à part à l'église. Chaque dimanche, on l'y voyait assis, au premier rang des fidèles, avec son ancien costume et ses gants de cérémonie qui lui montaient presque jusqu'au coude. Au moment de la communion, il prenait par le bas du cœur, dénouait ses cheveux, déposait ses gants sur une petite crédence préparée pour lui, près du jubé, et traversait le cœur seul, sans perdre une ligne de sa haute taille. Personne n'allait à la communion que quand il était de retour à sa place et qu'il avait achevé de remettre ses gantelets. Il était très pauvre, mais il le dissimulait par devoir d'État. Ces nobles de campagne avaient autrefois certains privilèges qui les aidaient à vivre un peu différemment des paysans. Tout cela s'était perdu avec le temps. Kermel était dans un grand embarras. Sa qualité de noble lui défendait de travailler aux champs. Il se tenait renfermé chez lui tout le jour et s'occupait à huis clos, à une besogne qui n'exigeait pas le plein air. Quand le lin a roui, on lui fait subir une sorte de décortication qui ne laisse subsister que la fibre textile. Ce fut le travail auquel le pauvre Kermel crut pouvoir se livrer sans déroger. Personne ne le voyait, l'honneur professionnel était sauf. Mais tout le monde le savait, et, comme alors chacun avait un sobriquet, il fut bientôt connu dans le pays sous le nom de « broyeur de lin ». Ce surnom, ainsi qu'il arrive d'ordinaire, prit la place du nom véritable, et ce fut de la sorte qu'il fut universellement désigné. C'était comme un patriarche vivant. Tu rirais si je te disais avec quoi le broyeur de lin suppléait à l'insuffisante rémunération de son pauvre petit travail. On croyait que, comme chef, il était dépositaire de la force de son sang, qu'il possédait éminemment les dons de sa race et qu'il pouvait, avec sa salive et ses attouchements, la relever quand elle était affaiblie. On était persuadé que pour opérer des guérisons de cette sorte, il fallait un nombre énorme de quartiers de noblesse et que lui seul les avait. Sa maison était entourée, à certains jours, de gens venus de 20 lieues à la ronde. Quand un enfant marchait tardivement, avait les jambes faibles, on le lui apportait. Il trempait son doigt dans sa salive, traçait des onctions sur les reins de l'enfant, que cela fortifiait. Il faisait tout cela gravement, sérieusement. Que veux-tu ? On avait la foi alors, on était si simple et si bon. Lui, pour rien au monde, il n'aurait voulu être payé, et puis les gens qui venaient étaient trop pauvres pour s'acquitter en argent. On lui offrait en cadeau une douzaine d'œufs, un morceau de lard, une poignée de lin, une motte de beurre, un lot de pommes de terre, quelques fruits. Il acceptait. Les nobles des villes se moquaient de lui, mais bien à tort. Il connaissait le pays. Il en était l'âme et l'incarnation. À l'époque de la Révolution, il émigra à Jersey. On ne voit pas bien pourquoi. Certainement, on ne lui aurait fait aucun mal, mais les nobles de Tréguier lui dirent que le roi l'ordonnait, et il partit avec les autres. Il revint de bonne heure, trouva sa vieille maison, que personne n'avait voulu occuper, dans l'état où il l'avait laissée. À l'époque des indemnités, on essaya de lui persuader qu'il avait perdu quelque chose, et il y avait plus d'une bonne raison à faire valoir. Les autres nobles étaient fâchés de le voir si pauvre, et auraient voulu le relever. Cet esprit simple n'entra pas dans les raisonnements qu'on lui fit. Quand on lui demanda de déclarer ce qu'il avait perdu, « Je n'avais rien, » dit-il, « je n'ai plus rien à perdre. » On ne réussit pas à tirer de lui d'autres réponses, et il resta pauvre, comme auparavant. Fin de la section 60, lue par Sophie France à Veules-les-Roses en décembre 2024.